Ça faisait des mois que je pensais plus à toi. Je te croisais dans la rue, ça faisait ni chaud ni froid. J'étais guéri, j'avais bonne mine. Faut savoir lire entre les lignes, lire entre les lignes. J'arrive pas à croire qu'on ait remis le couvert. Y'a des choses dans la vie qui tiennent du mystère. Je sais pourtant que tu me fais du mal. T'es trop bonne, ne prends pas mal, ne prends pas mal, ne prends pas mal. Tous les soirs, je voudrais qu'on arrête. Je voudrais que tu me lâches, que tu me prennes plus la tête. Et le matin, quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi, putain de cigarette. Je peux faire des bornes au milieu de la nuit, en état de manque à moitié endormi. Je fais la queue pendant des heures. Tant pis si je passe pour un loser. On me dit qu'un jour tu finiras par tuer. Mais un jour c'est vague, c'est flou, c'est pas concret. Alors je t'allume ma jolie héroïne. Partant fumer ma santé et mon spleen, et mon spleen. Tous les soirs je voudrais qu'on arrête. Je voudrais que tu me lâches, que tu me prennes plus la tête. Et le matin quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi, putain de cigarette. Tu vois t'es comme ces gens toxiques que l'on fréquente par habitude. On sait que c'est mal, c'est pathétique, mais faut combattre la solitude. Tous les soirs je voudrais qu'on arrête. Je voudrais que tu me lâches, que tu me prennes plus la tête. Le matin quand tape le soleil à ma fenêtre, j'ai envie de toi.